dans un colo sous le banc de boîte. La fumée te sort de la tête, c'est partout pareil. Vas-y, pars, viens, de là où t'arrives, c'est que c'est pas rose. La ville laisse des parpaings, la place des roues du carrosse. Je n'y capitule pas, le train quotidien t'attend, ce dernier fait du mal. N'apprenant pas la leçon, Denis Brognard s'enferme près des nuages. Il se pose des tas de questions, se demande où vont toutes ces feuilles mortes. Putain, Denis, fais pas le con, ce que t'as gobé est hyper fort. Je te vois tourner en rond saoulé, là on t'a pris les rênes. Qu'est-ce qu'il t'arrive à croire que la vie ne t'apprend qu'à fuir tes rêves. Denis sait pas trop aller, de l'avant sans s'évader. Pour retrouver son chemin, Denis doit retrouver tous ses graviers. Facile, lui diras-tu d'avancer sans reculer. Denis n'a pas la forme et Denis ne va pas t'entuber. T'as peut-être à faire, Denis, je te laisse aller, retiens sur tout cela. Si tu cogites assez, Denis Brognard, tu te satisferas. Denis n'a pas la tête à ça, ne comprend pas ton dialecte. Il aime la nature, la forêt, la ville, les petits insectes. De la routine, il fait une folie. Ils ont toujours eu les Canet au Monopoly. Police, c'est vrai, la foule kiffe quand tu la boucles. À ce qu'il paraît, Denis Brognard aurait perdu la boule. Existence embryonnaire, élevé dans un cocon. À l'école, c'est triste, Denis ne comprend pas ses copains. Il apprend mal ses leçons, mais retient bien ses refrains. Putain, laisse le fait pas le con, tu ne le connais pas bien. Je m'abstiens de parler du fait que tu penses être meilleur. Parce qu'il est différent, qu'il ne vit pas les mêmes épreuves. Dis-moi qui est dans l'erreur, celui qui sait ou celui qui découvre. Quand je te dis, peut-être que Denis lui écoute. On nous coupe la vérité sous le pied, nous empêche d'exister. Denis le sait, c'est dans la folie que se cache la vérité. T'as dit, pour Denis a peur, il se fait du tracas. Denis Brognard a beaucoup de méthodes dans son cartable. Apparemment, pour les enfants, Denis est différent. Pourtant, pour moi, je suis comme lui apparemment. T'as dit, pour Denis a peur, il se fait du tracas. Denis Brognard a beaucoup de méthodes dans son cartable. Apparemment, pour les enfants, Denis est différent. Pourtant, pour moi, je suis comme lui apparemment. Assis seul au fond de la classe, Denis sent quelque chose ne va pas. Ses collègues se moquent de lui, inconscients du poids de leurs remarques. Mangeant seul à tous ses repas, Denis sent de plus en plus mal. Le regard étrange jeté par la plupart de ses camarades. Normal, Denis en est marre de sentir différent de la masse. Jugé par moquerie, il souhaiterait bien pouvoir trouver sa place. Inévitable, Denis grandira, le cœur asséché par ses larmes. L'inconcevable devient possible quand lui traverse ses idées noires. Ayant compris leur mépris, Denis ne nie pas l'évidence. Denis prie l'espoir d'un simple espoir que demain les choses changent. Malgré tout l'amour que peuvent lui porter ses parents, Denis sent constamment une étrange remous dans son ventre. Plus vieux pour combler le vide, il se contemple de substance. La fâcheuse impression que tout autour est insultant. Il préfère se perdre dans les cachets, en retrait dans sa tête, au moins dans sa cachette. Personne ne le fait chier. Denis, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est le monde qu'on remarque dans la foule. Denis, dis-moi que c'est mon défaut. La vie, c'est quoi s'il y a pas de goût? Pas de projet pour la rentrée, je les entends dire, ne t'en fais pas. La solitude les a pensé, oublie les rires autour de toi. Une seule question reste à poser, qui pleure si je me zigouille? Dis-moi, oseras-tu l'approcher? Toujours de côté s'il y a un groupe, sous pour les quand Denis parle avec les yeux. Supposer que c'est dans le déni qu'on soit heureux. Rêver de la vie, c'est faire un vœu. Mais quitter grâce chapitre, faire de rien un terrain de jeu. L'argent se maquille, son avenir est poussiéreux. Je porte sa voix, langage des signes au silencieux, aussi lent. Pourtant, j'ai toutes les cartes en main. Évident que je m'écarte en vain, aussi l'on peut. Denis, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est le membre qu'on remarque dans la foule. Denis, dis-moi que c'est mon défaut. La vie, c'est quoi s'il y a pas de vous? Pas de projet pour la rentrée, je les entends dire, ne t'en fais pas. La solitude les a pensé, oublie les rires.